à rien de faire la tête. Je ferai le tour de la planète, aussi loin que me pousseront les vents. Regarde ma mine défaite, je vois que la vie s'échappe. Juste un temps, je pourrais l'arrêter. Quand je regarde ma mine défaite,